LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Oui, mettez vos ceintures. C'est marqué là, Lille. Oui, d'accord. Mais il n'est pas marqué périph. Ah si, c'est ça. Oui. D'accord. Le périph, après tout. Camille Jusa, Benjamin Hu. Voilà, c'est vrai qu'il est un peu dur ce périphérique. Un peu bruyant, un peu pollué. Il ne sera pas forcément pollué longtemps d'ailleurs, puisque peut-être dans 5 ou 6 ans, on aura, ou 10 ans, on aura des voitures électriques. Mais actuellement, ça l'est. D'où ma voix, si catareuse. Si filtré, si encrassé par 25 ans de cohabitation. Mais regardez cette beauté aussi, ces paysages qu'on traverse. François Chalin, critique d'architecture. Par exemple, ici, on embarque pour l'Italie, on monte vers le nord. Immédiatement, c'est le grand pont avec ses deux obélisques, les voies ferrées, c'est la Seine. Quelque chose de climatique. On sent le vent, on sent la pluie quand il y en a, on sent la nuit, on sent les centrales thermiques. Ce que j'aime dans cet ouvrage, c'est d'abord qu'il permet de traverser assez vite de ces grandes distances. Il fait 35 km. Quand la circulation va bien, on traverse en 23 minutes et 30 secondes, à 80 à l'heure. Et puis, oui, on a le sentiment quand même que quelque chose nous appartient, qui est à l'échelle de la métropole, à l'échelle contemporaine, avec un genre de beauté très particulier, qui est cette beauté du chaos moderne, qui est cette beauté des cimetières qui succèdent à des bâtiments industriels, qui succèdent à des tours de radio, qui succèdent à des lointains. Mais tout de même, il y a quelque chose de vrai. Écoutez cette moto qui passe. Ce sont des beautés modernes, c'est des beautés que célèbre le cinéma, notamment, et que chacun comprend bien, mais qui sont tabous, en quelque sorte. Le 25 avril 1973, dans les lumières oranges d'un tunnel flambant neuf, le Premier ministre Pierre Messmer coupait un ruban tricolore et inaugurait le boulevard périphérique parisien. Après 17 ans de travaux, la boucle se fermait enfin sur elle-même, livrant à une époque où l'on voulait rouler plus vite et laver plus blanc une belle machine sans feu rouge, entièrement dédiée à l'automobile. C'est le joint entre deux mondes. Alors bien sûr, ça sépare deux mondes. C'est une sorte de douve qui, en quelque sorte, protège Paris de sa banlieue. Et donc, on donne le sentiment qu'il refoule la banlieue. De fait, il refoule la banlieue pour toutes sortes de raisons sociales et esthétiques et financières et économiques. Mais tout de même, c'est une sorte d'interface, pour employer un mot moderne. D'un côté, la banlieue, d'autre part, le Paris plus constitué, même si c'est les franges, même si c'est les anciens faubourgs. Personne ne se doutait alors que le périphérique allait nous poser un tas de problèmes. Pollution sonore, pollution de l'air et surtout ce coup de canif circulaire, une frontière infranchissable au propre comme au figuré. Parfois muraille, parfois douve, le périphérique a généré des tunnels sordides et des ponts ventés, et lui qui devait incarner la vitesse et la fluidité a au contraire fixé une limite concrète entre Paris et sa banlieue, qui semble depuis 50 ans se regarder en chien de faïence par-dessus l'anneau, l'une disant clairement à l'autre « on ne veut pas de vous ici ». C'est que le périphérique est une sorte de grande balafre, quand même, de grande blessure, de grande couture dans le paysage. Et en effet, on a l'impression que la ville se rapproche du périphérique. Du coup, la ville vient, la ville sur ces terrains qui n'ont pas une grande valeur sentimentale, la ville fait comme une sorte de bourrelet de chaque côté, exactement autour de ces cicatrices. Le périphérique est l'incarnation physique, tangible, du rapport de domination que Paris entretient avec sa banlieue. Tous ces territoires regroupés sous un seul mot et qu'elle considère avant tout comme des réservoirs de services. Car c'est sous le périph' et au-delà qu'elle a remisé ses stockages, ses parkings, ses camions poubelles, ses préfourrières, ses morts, ses cimetières et surtout ses travailleurs par millions. En 50 ans, le périphérique a figé un dedans et un dehors. Il a tendu un miroir à l'amour inconsidéré des Français pour la centralité, les hiérarchies, obligeant chacun à se définir par rapport à lui, imposant sa force centrifuge qui pousse les pauvres dehors et tente de garder les riches à l'intérieur. Alors, pour ce premier épisode, commençons par la fin. Écoutons ce que ce dedans et ce dehors sont vraiment, ce que le périph, en séparant Paris de sa banlieue, a fait à nos imaginaires, nos trajectoires, nos envies. Et si des porosités heureusement existent, quel chemin elles ont réussi à prendre. Épisode 1, quoi de neuf à la frontière. Porte de Pantin, J'essaye un peu de me remémorer. Parce que je l'ai tellement vue depuis cette place que j'arrive plus à savoir comment elle était avant qu'elle soit refaite. Feda Wardak, architecte, constructeur et artiste. Je venais là pendant mes années d'enfance tardive, d'adolescence, quoi, pour jouer au foot. Au stade Jules Ladoumec, c'est trois terrains qu'on ne voit pas d'ici, c'est le périph qui cache. Alors ça me revient, il n'y avait pas toute cette gare sous le périph, là, qui est une gare des véhicules d'entretien de la ville de Paris. Derrière nous, on a Paris. Sur notre gauche, on a la Cité de la Musique et la Philharmonie faite par Jean Nouvel. Donc on a ce périph qui traverse vraiment tout le paysage qui est face à nous. Et puis sur la droite, du coup, on a toute la partie qui va derrière vers le Pré Saint-Gervais, les Lilas. Maintenant, il y a le tramway aussi qui passe là. Le tramway, à l'époque, bien entendu, n'existait pas. Et donc moi, je descendais du métro Porte de Pantin, donc dans Paris. Et effectivement, je passais sous le périph. Et en fait, on traversait vraiment du coup tout au bout. Et le passage des véhicules était encore plus conséquent. Il n'y avait pas de feu. Et il y avait un jeune d'un des trois clubs du stade qui s'était fait faucher par une voiture. Et il y avait cette pancarte qui rappelait son nom, etc. Et à chaque fois, du coup, qu'on la voyait, on se disait, il faut courir. On courait à 10 gamins, etc. En jouant dans ce club-là, moi, j'ai rencontré vraiment beaucoup de monde, essentiellement de tout le quartier Chaumont, la rue Petit, le quartier de Danube, etc. Mais aussi plein de gamins d'ailleurs. Et j'ai joué contre des clubs de toute la Seine-Saint-Denis. Et c'est là aussi que j'ai compris qu'il y avait des... On partait pas tous du même endroit. Et qu'il y avait des inégalités assez criantes en fonction de l'endroit où on grandit, quoi. Quand tu vas jouer à Montfermeil ou à Aubervilliers ou en coupe, quand tu vas jouer à Grigny-la-Grande-Borne, là, tu te rends compte que y a un oubli de certains territoires qui est assez criant. Et c'est pour ça que c'était peut-être important pour moi d'expliquer mon rapport au foot dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, dans Paris, parce que c'est ça qui m'a amené à un certain moment de ma vie quand j'étais gamin de considérer la manière dont le périphérique séparait les choses. C'est pas lui qui provoquait des inégalités, mais en tout cas, il les révélait. Et c'est un marqueur assez fort dans la manière aujourd'hui de considérer sociologiquement quelqu'un qui habite à l'intérieur ou à l'extérieur. On est au parc Henri Barbusse à Pantin. Vraiment, on est à la limite aussi de Romainville. En fait, c'est presque le point le plus haut, d'ailleurs, de Pantin, puisque le plus haut, c'est celui où il y a la tour, ma tour chérie, mon signal urbain, mon repère affectif, la tour de diffusion de France. Soraya Matignon-Kerchaoui, productrice. Moi, je suis née à Aubervilliers, toujours dans le 93, un département que j'arrive pas à quitter. J'ai grandi à Pantin. Et j'ai quitté Pantin à l'âge de 25 ans pour aller au Pré Saint-Gervais, donc vraiment 150 mètres plus loin. Et j'ai un attachement hyper fort au 93. J'ai grandi dans une tour HLM, juste derrière le centre Leclerc, qu'on appelle maintenant Galerie Hoche. Mais alors ça me fait rire parce que c'est vraiment symptomatique d'une gentrification qui s'est opérée depuis quelques années. Alors que nous, on appelle ça le Leclerc. Et je venais ici tous les week-ends. C'était pas du tout comme ça dans les années 90. Mais alors pas du tout, là c'est très aménagé. C'était un peu ghetto quoi, les installations pour enfants étaient quasi inexistantes. Mais il y avait de jolis bancs, donc on sautait sur les jolis bancs. Il restait deux balançoires un peu rouillées. Mais c'était le côté forêt nous qui nous plaisait. Pour moi, il n'y avait que ma tour, le Leclerc et la RN3 en fait, qui desservait mon école, mon collège, etc. Pour moi, Paris n'existait pas. On faisait très peu de sorties au musée, parce que c'était toute une orga de sortir des enfants du 93 pour aller dans Paris, alors qu'on n'est pas si loin. On est vraiment à vol d'oiseau, très très proche de Paris. C'est pour ça que l'immobilier est si cher aujourd'hui, d'ailleurs. Mais Paris, moi, d'ici, j'avais pas envie d'y aller. Parce que dans les médias, moi j'habitais au 9e étage d'une tour de 15 étages. Quand on regardait les infos, on avait l'air tellement haut et tellement loin de tout ce qui se passait à Paris. Pour moi, c'était totalement un autre monde, et je me suis rendu compte que c'était effectivement un autre monde. Mais il y avait un autre parc, moi, qui me gonfle le cœur, c'est la Villette, le parc de la Villette. Et qui, pour moi, petite, j'ai découvert très tard que c'était dans Paris 19e. On y allait à pied, pour nous, c'était à côté, et puis c'était vraiment la grande balade du dimanche. On restait des heures, on partait le matin, on rentrait le soir, on était éreintés. Et la Villette, pour le coup, comme tout était gratuit, on retrouvait notre population. Enfin, c'était un parc, quoi, qui était pas si loin de nos points de repère, et du coup, on se retrouvait tous là-bas. Il n'y avait pas d'installation qui nous mettait à distance et qui nous rappelait qu'on n'en était pas. Porte de Vincennes. Je me souviens que mes parents nous avaient expliqué que nous, on habitait en banlieue parisienne, mais je pense à l'occasion de départ en vacances où il fallait dire d'où on venait. Fanny Taillandier, écrivaine. Quand tu dis à des gens « j'habite à Alfortville », ils ne savent pas du tout ce que ça... Enfin, ça signifie rien pour personne, quoi. Et en même temps, tu ne peux pas vraiment dire que tu habites à Paris. Ce dont je me souviens, c'est de l'entrée à Paris, du panneau Paris. C'était à l'occasion d'une sortie scolaire. Je ne sais pas où on allait, mais on était en bus scolaire. Et le panneau d'entrée de commune Paris, qui est en fait, je pense, le panneau qui est sur l'échangeur entre la 4 et le périphérique, où je me disais « ah bon, d'accord, bah, c'est ça Paris, quoi. » C'est un truc d'une 4 voies avec du béton. Enfin, je me rappelle de cet effet-là. Tu sais que t'es collé à Paris tout le temps, quoi, tu vois. On parle de Paris, il faut aller à Paris, il faut revenir de Paris, le métro va à Paris, donc tu sens bien que t'es appelé à aller dans cette direction-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, on voit la Seine, on voit l'entrée de Paris sous le périphérique. Et puis après, en fait, elle fait un coude, donc on voit pas d'ici, on voit pas du tout le centre de Paris. On voit la densité sans voir la monumentalité, quoi. Il y a quelque chose d'un peu écrasé, quoi, par rapport à l'image qu'on peut se faire de Paris. Qu'est-ce qu'on voit encore ? Derrière, on voit les voitures qui passent sur l'autoroute A4. Puis là, présentement, on voit une péniche qui remonte le courant et qui prend la Seine, puisqu'elle pourrait prendre la Marne à notre droite et elle prend la Seine à notre gauche. Elle transporte pas grand-chose, elle a pas l'air très lourde, là, hein. Elle rentre peut-être à vide des ports de déchargement de sable. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit « Ah, je vais pouvoir aller habiter à Paris ». Mais alors le paradoxe, c'est que j'ai pas apprécié. En fait, j'ai l'impression, et je crois que je le partage avec pas mal de gens de banlieue, enfin de banlieusards, quoi, que en fait, la densité parisienne est assez dure à supporter quand on vient d'ailleurs. Mais de la même façon, encore une fois, que quand on vient de grandes villes de province ou même de la campagne. Là, j'en suis à ma troisième tentative de vivre à Paris intramuros, et elle n'est toujours pas concluante. Enfin, je m'y sens moins bien qu'en banlieue. Mais par contre, c'est sûr que oui, dès que j'ai eu de l'argent pour me payer un appart, je me suis dit, ah, bah, je vais aller habiter à Paris, là où tout se passe, quoi. Tu es trop jeune pour savoir exactement où tu es. Tu as connu autre chose, mais tu l'as déjà oublié. Le principe de l'enfance. Tu n'es pas d'ici, mais tu ne connais nul ailleurs. Le principe de la banlieue. Tu sais qu'il y a la tour, le square, le parking, la supérette, le bus de la piscine, l'école. Il y a l'église arménienne et la sandwicherie turque, l'épicerie arabe et le supermarché cachère. Tout cela se ressemble et tu ne saisis pas les différences. Des rues, des façades, des vitrines et du béton. Chez toi. Et puis, il y a Chinagora. Tu apprends, tu parcours. Tu connais les bords de Marne où l'on rencontre la Bac à la nuit tombée. Tu connais les bords de Seine, cheminée, poids lourd à toute berzingue. C'est un terrain vécu, arpenté, baptisé du nom des quartiers que vous habitez, toi et les autres. Alouette, Liberté, Grand Ensemble, Carrefour Pompadour, Port à l'Anglais. C'est ici que tu grandis, bus, collège, RER, première fugue et premières amours. Tout ça, c'est le monde normal, le monde tel qu'il est et avec lequel il va falloir composer. Au loin, les cheminées de la centrale EDF. Là, au-dessus des 10 voies de l'autoroute A4, on arrive à ce coteau où des cabaniers gardent des chiens furieux. Là-bas, l'échangeur qui forme un vaste entrelac au-dessus de la rivière. Et puis, il y a Chinagora. On est à Ivry-sur-Seine. Donc là, je suis à 2 km de Paris. Pas très loin de Vitry, dans une zone d'activité qui est en totale réhabilitation, qui s'appelle Confluence, En face de chez moi, j'ai un hôtel d'hébergement d'urgence où il y a des personnes ukrainiennes. Il doit y avoir quelques Albanais, des mamans, beaucoup des familles monoparentales issues d'Afrique subsaharienne. Nora Amadi, journaliste. À côté, j'ai mon garagiste, corse. C'est Pierre-Paul, c'est Pépé. Et derrière, il y a des grues partout. Il y a un espace de coworking là qui vient d'ouvrir sur 5 étages, qui est allumé la nuit, à croire qu'eux, ils n'ont pas de problème de sobriété. C'est un territoire qui a beaucoup d'emprise foncière, enfin qui a des possibilités, parce qu'on est sur un territoire qui est une cicatrice de la désindustrialisation. Il y a un barbershop, évidemment. Le barbershop étant le nouveau kebab. Il y a un truc avec les mecs et leurs barbes. Donc, il y a un barbershop, il y a un coréen, il y a une boucherie. On va avoir une agence immobilière, ce qui dit beaucoup de choses. Non, ça se gentrifie. Ça se gentrifie. Après, j'ai souvent cette réflexion. Ah ouais, mais c'est moche. Et là, je dis, bah non, mais moi, je vois rien de moche, en fait. Moi, je vois beaucoup de vie. Je vois des vagues migratoires. Je vois des histoires qui viennent se nouer sur un seul et même territoire. Je vois des villes-mondes, en fait. Moi, j'ai une vraie tendresse, en fait, pour ces espaces qui sont ces espaces du rien, avec des nationales qui coupent des zones industrielles. Derrière chez moi, il y a la ZAC des Ardouanes, qui est un espace d'emprise où il y a toutes les zones logistiques qui viennent fournir les petits magasins parisiens, avec plein de mecs qui font les trajets jusqu'à Paris, qui livrent en mode Amazon, c'est la logistique de proximité, etc. Paris, sans sa périphérie au sens large, elle n'a que 3 jours d'autonomie. Donc Paris, sans ses emprises, Paris sans sa banlieue, Paris sans ses périphéries, qui vont jusqu'en Baie-de-Somme, hein, disons-le clairement, bah en fait, cette ville ne vit pas. Heureusement qu'elle a sa banlieue pour se débarrasser de ses déchets. Moi, je vis à côté de l'incinérateur de Ivry. L'incinérateur de Ivry, c'est les déchets de Paris. Et on a des études qui ont été faites sur les rejets de cet incinérateur. Nous, là, dans la zone autour de l'incinérateur, on n'a pas le droit de manger, en fait, pour ceux qui ont un poulailler. Il ne faut pas manger les œufs de vos poules. C'est ça, en fait, l'emprise de Paris. C'est aussi nos morts, hein, les cimetières parisiens. Enfin, moi, j'ai vécu à Ivry en face d'un cimetière parisien. C'est des territoires, en fait, qui sortent vraiment de la souveraineté municipale. On n'a pas la main sur notre territoire à nous. Paris, c'est la ville lumière, c'est la ville qu'on montre, c'est la carte postale, etc. Sauf que il y a une dimension d'hypocrisie totale, au même titre que bah, pour qu'on ait de la noblesse, il faut qu'il y ait du tiers-état, quoi. Et en fait, on est le tiers-état. Pour qu'il y ait Paris, en fait, il faut qu'il y ait sa banlieue. D'élégance dans mes écrits, normal pour un mec de Vitry. Sur ma feuille, le ghetto, je retranscris. Zigzag entre le mal et les délits. Je me débrouillard une fois sorti du lit. Au chômage, pourtant jeune et ambitieux. C'est pour nous qu'ils ont créé la NPE. Mais y'a une queue d'un kilomètre pour gagner 3 pépés. Je peux me permettre qu'ils aillent se faire mettre. Je suis née à l'hôpital de Longjumeau, j'ai grandi à Longjumeau. J'ai fait toute ma scolarité à Longjumeau. Moi, ma cartographie, c'était pas Paris. Moi, ma cartographie, le mercredi après-midi, c'était le centre commercial de Belle Épine à Thiers. Où c'était le centre commercial Évry 2, dit Agora, à Évry-Courcouronnes. Il faut se souvenir qu'à l'époque, le pass Navigo, qui n'était pas le pass Navigo, qui était la carte orange, n'était pas dézoné. Et donc, j'avais une carte orange zone 4-5. Voilà. Dans mon souvenir, on n'était pas loin de 20 ou 25 francs, quoi, pour faire un aller-retour à Paris. Ce qui, à l'époque, dans les années 90, c'était hyper cher. Donc, on y allait le week-end, à partir de mes 14-15 ans, avec les grands, avec certaines copines, les copains. Alors, on allait à Paris, évidemment, à Châtelet. On allait évidemment au Halles. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Pour traîner, pour voir des gens qui nous ressemblaient, qui étaient habillés comme nous, mais qui venaient d'autres banlieues. Ça, c'était le grand voyage. Enfin, c'était la vraie excursion. Quand j'ai découvert Châtelet-les-Halles, je voulais habiter à Châtelet-les-Halles. J'avais 13-14 ans, j'avais dit à ma mère, je vais aller habiter là-bas. Elle m'avait dit, non, je pense que tu vas changer d'avis. Et ce truc de, tu vois, la foule, les cafés, les magasins. Mais en fait, je crois que si on allait là-bas, c'est parce que finalement, avec un sens de l'orientation de banlieusarde, c'est assez facile de se repérer dans les Halles parce que c'est jamais qu'un centre commercial, quoi. Et que la sortie d'avant, c'était Créteil-Soleil. Le premier truc que j'ai fait avec les copines où on prenait le métro toute seule et tout, c'était aller à Créteil-Soleil. Donc finalement, les Halles, c'est un peu un gros Créteil-Soleil souterrain, quoi. Et ce qui était bien, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui va là-bas. Donc tu rencontres des gens, du coup, d'un mercredi sur l'autre ou d'un samedi sur l'autre, tu te fais un peu des copains. Il y a des petites amourettes, des trucs comme ça. La carte mentale se fait très, très tardivement. Je vais à la fac. Soraya Matignon-Kerchaoui. Mais c'est encore dans le 93. Donc je vais à Gare du Nord, mais sans me dire que je vais passer par Laumière, Jaurès, machin. Je vais à Gare du Nord, puis à Villetaneuse. Et je fais comme ça ces allers-retours incessants, mais sans me dire que Gare du Nord, tu peux aller ici ou là. Alors il faut la voir, hein. La fac de Villetaneuse, il faut la voir. C'est-à-dire qu'il y avait un raccourci, mais tu devais traverser des énormes cités. Mais moi, j'avais aucune appréhension à ça. Parce que c'était mon mode de vie, c'était mon environnement. Et j'avais des camarades étudiants et étudiantes qui, eux, venaient de Senlis, tu vois, de très loin, plutôt campagne, et qui étaient terrifiés à l'idée de traverser ces cités avec des guetteurs, de fours, etc. Alors que moi, j'étais là avec mon sac à dos, je vois pas le problème, quoi. Je n'étais pas du tout impressionnée. Et ça me rassurait. Et en fait, j'avais été refusée à la Sorbonne, donc j'ai pris ça vraiment comme un énième affront de Paris, en me disant, vraiment, ils ne veulent pas de moi, quoi. Et j'ai été très déçue, en me disant, j'en serai jamais. J'avais quand même une envie d'en être, tu vois, tu grandis. J'avais un peu envie de m'émanciper, quoi. Et Paris, encore, me disait que non. Que t'es pas sectorisé. Et puis ton nom va pas participer à l'excellence peut-être de la faculté, j'en sais rien. En tout cas, j'ai très mal pris. Et je suis vraiment allée à Villetaneuse, le cœur lourd, quoi. Après 15 années à Longjumeau, où le collège, l'école était vraiment voilà, au pied du quartier, dans le quartier, avoir toujours les mêmes têtes, il y a eu des envies et des aspirations à aller voir un peu ailleurs. Donc j'ai fait 5 km et je suis allée au lycée à Savigny-sur-Orge. Et là, d'un seul coup, ça a été un autre monde où je me suis retrouvée avec beaucoup plus de mixité, dans un lycée qui était un château avec des douves, des canards, des gymnases immenses, un terrain de football, un vrai, hein, pas un five. Et ben ouais, ça fait un truc, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, t'as un peu ce sentiment de dire « Waouh, en fait, ça existe, c'est possible. Il suffisait juste de faire 5 km. » Le 12 juillet 98, je viens d'avoir mon bac, je regarde le match chez mon voisin Jérémy. Et là, je peux te dire que je me souviendrai toute ma vie de l'explosion que ça a été dans la cité, parce que dans toute la France. Mais là, en fait, nous, ça s'est déversé sur la dalle dehors. Enfin, c'était assez fou, quoi. C'était une énergie absolument folle. Mais dans la foulée, l'ancêtre de Parcoursup, qui était admission post-bac, je demande que des facs parisiennes. Et là, un système d'assignation institutionnel m'envoie à la fac à Évry-Courcouronnes, dans une fac de ville nouvelle, pas terminée. On était encore sur un terravade, il n'y avait pas de bibliothèque. Dans une filière que je voulais même pas, donc en administration, économie et sociale. J'étais hyper loin de tout ça. Ça a été hyper violent pour moi. Tu cherches à sortir d'une forme d'assignation à résidence. T'as bien conscience, en fait, que tu pars de la cave, que t'es très loin de tout. Et au moment où tu te dis, en fait, il suffit de pas grand-chose, comme j'ai réussi à contourner la carte scolaire en faisant une option théâtre et en allant à 5 km et en m'ouvrant à un monde qui était très loin du mien, il suffira que là aussi, en fait, je demande histoire à Tolbiac ou à la Sorbonne. Et puis du coup, ça va m'ouvrir encore autre chose. Et là, bam, retour à l'envoyeur. T'es jeune et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Si tu veux, où tu veux, quand tu veux. Quand. Et là, du coup, c'est là que je me suis vraiment lancée en me disant, puisqu'on assigne, en fait, faut que je me désassigne. Et c'est là que j'ai commencé à fréquenter... la Bibliothèque Nationale de France, que du coup j'ai été à Beaubourg, et que du coup, parce qu'en fait j'avais besoin d'acheter des livres, tout bêtement. J'étais chez Gilbert Joseph tout le temps, j'étais une à deux fois par semaine sur Paris. Sur Paris. On vient s'asseoir sur la capitale. Mais j'ai bien senti que moi, dans ma trajectoire personnelle, si je voulais sortir de l'assignation dans laquelle j'étais, en tant que femme, racisée, d'origine maghrébine, banlieusarde, à un moment, il fallait que je joue au centre. Et c'est là que ça se passe. Et en vrai, toute ma trajectoire démontre que, ça a été perpétuellement des renvois, des assignations. Puisque tu peux pas rentrer par la porte, bah, écoute, tu vas rentrer par la fenêtre, tu vas rentrer par la cheminée. Enfin, c'est un hold-up permanent, en fait. Je me rendais bien compte, en fait, qu'en termes d'opportunités, dans un état jacobin comme le nôtre, la centralité, en fait, la ville-centre, c'est Paris. Après ce faux démarrage à Évry, bah, en fait, j'ai obtenu d'arriver en licence à Nanterre, qui est une autre banlieue. Mais avec un rapport au savoir, et puis un rapport, même dans l'espace académique, c'est quelle est ta chapelle, quel est l'espace de ton pouvoir, et donc Nanterre, mai 68, t'es dans un continuum historique, où du coup, même si t'es en banlieue, c'est pas la même banlieue. C'est une banlieue rouge, c'est une banlieue qui a une histoire, c'est une banlieue qui la porte en étendard, c'est vraiment, tu vois, au-delà aujourd'hui du fait qu'on est en train de redécouvrir la zone, qui était l'ancêtre de ces espaces. Voilà, la banlieue rouge, elle a quelque chose à raconter, elle porte ça, elle en fait aussi un objectif politique. Et puis j'arrive à la fac, en sciences politiques, je suis à la place où je dois être. Enfin, je viens d'une famille ultra politisée, autour de nous, dans les proches, il n'y a que des établis. Chez moi, il y a plein d'affiches de mai 68. Quand je les ai trouvées, bah, c'était un continuum. J'avais l'impression, en fait, d'être dans le salon chez mes parents à l'époque où ils discutaient de où est-ce qu'on met la virgule sur le tract, quoi. Donc c'est à ce moment-là que je trouve, parce que j'embrasse une histoire qui n'est pas la mienne, pas celle, parce que je viens pas de la banlieue rouge, mais qui, en miroir, en fait, fait sens. Plus tard, tu prendras le métro vers Paris. Un jour, tu prendras le TGV, tu verras Shinagora depuis la rame en passant. Tu rouleras sur l'autoroute A4 et le coin de pagode apparaîtra dans le coin du pare-brise, un instant. Toujours se font vagues d'exotisme. Une permanence insolite. Ce sera rester chez toi sans être jamais chez toi. L'ailleurs au pas de ta porte. Shinagora. Tu l'oublies et tu sais que c'est là. Tu fais ta vie, tu déménages, tu prends des trains, tu changes d'échangeur. Te voilà adulte à revenir au confluent. La centrale électrique de Vitry a fermé. Trois tours par terre aux Alouettes. Au carrefour Pompadour, une nouvelle gare. Je passe et ne reconnais rien du terrain de mes 12 ans. Où sont partis les gens? Maintenant, je connais la carte. Je peux rouler vite sur l'autoroute sans me soucier d'où je passe. Mais je ne sais plus où je suis. Là, on est en hiver, il fait gris, il pleut, c'est le matin. Mais un soir d'été ou de printemps, à 20h, c'est bondé de monde. Feda Wardak. Le quartier de la Grange-Aubel, donc c'est entre Colonel Fabien et le canal Saint-Martin. C'est un des, je pense, des plus grands complexes de logements sociaux intramuros. On doit avoir une vingtaine de gros blocs, il y a 9 étages, je dirais 4-5 logements par palier. Donc je sais pas, ça doit bien faire 800 à 1000 logements, je pense. Et c'est entièrement piéton à l'intérieur. Donc il y a très peu de Parisiens, même qui habitent dans le 10e arrondissement, qui savent qu'on peut rentrer dans le quartier. Nous, gamins, on joue beaucoup ici. Moi, je suis arrivé avec ma famille ici quand j'avais 5 ans, je crois. Juste avant, on était sur une dalle à Antony, et avant, on était en Afghanistan. Et du coup, quand on est arrivé là, moi, j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à jouer dans cette cité. Et il y avait des rumeurs, quoi. Et puis, quand j'ai commencé mes études d'archi, je les ai vérifiées. Et ici, en fait, c'était un gibet au Moyen-Âge. C'est des immenses potences, en fait. T'as des gravures encore que tu peux retrouver, mais c'était un truc assez monumental. Et il laissait les corps, en fait, pourrir. Donc, juste en face, on voit le collège La Grange-Aubel avec les ados qui sont en récré. Donc, moi, c'est là que j'ai fait mes 4 années de collège, gamin, quoi. On a fait les 400 coups. Et c'était pratique parce que, du coup, on a le terrain de foot qui a été refait il y a 3 ans, juste en bas. Et moi, pendant mes premières années, je jouais là tout le temps. Ma mère me voyait d'en haut, elle m'appelait par la fenêtre, je remontais, quoi. J'avais mes amis d'enfance. Et du coup, dès qu'on finissait les cours, on venait jouer là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un âge où on a moins envie d'être observé. Donc moi, j'étais vu par ma famille. Et donc après, je suis allé sur d'autres terrains de foot aussi. Je pense que je vais vous montrer pas mal de terrains de foot le long du canal. Parce que moi, c'est par là que s'est structurée toute ma compréhension de l'urbanisme et de la sociologie de ce quartier, quoi. On a traversé toute la cité de la Grange-Aubel, on a dépassé les écoles, les jeux, le collège, et on a débouché quai de Gemap, au bord du canal Saint-Martin, qui est probablement l'incarnation de la gentrification de l'Est parisien, une carte postale bien ripollinée du Paris des Faubourgs. Aujourd'hui, on a cette image un peu, tous ces cafés qui sont bondés le soir, au printemps, c'est pareil. C'est pas les mêmes populations que celles qui habitent forcément à l'intérieur de la cité de la Grange-Aubelle. Ça a beaucoup changé ces 10 dernières années surtout. Le canal, il y a 20-25 ans, nous, quand on était gamins, c'était, il n'y avait personne, c'était glauque. Tous ces lieux-là, le skatepark et le terrain de basket n'existaient pas. C'était un terrain vague, soi-disant pour la pétanque, mais en fait, il n'y avait que des seringues par terre. Donc, il y a à la fois ce grand terme qu'on appelle la gentrification, effectivement. C'est une problématique qui est assez universelle et propre aux grandes villes attractives. Et en même temps, moi, je sais quand j'en parle avec des gens qui habitent là ou des amis, certains sont très contents. Mais qui sont peut-être pas aussi tous en conscience de la manière dont y a un effacement progressif aussi du coup de certaines classes sociales. Donc certains sont contents, mais en même temps, sur le long terme, c'est les mêmes qui ne peuvent plus rester là et qui sont obligés de partir, quoi. Comment on traverse ? On va traverser par... Enfin, nous, on traversait par, tu vois, par la petite écluse, là. En fait, là, t'avais un gardien d'écluse qui doit toujours être là. Le vieux canal est endormi, il roupille entre ses deux quais. Depuis ce matin, il vaquait. Et moi, j'ai un ami d'enfance, Karim, qui habitait juste dans l'immeuble là-bas. On passait par-dessus les clous. Il a eu droit à une pause, jusqu'à une heure, il se repose et il profite de la vie. Et rien ne lui fait plus envie que de se chauffer au soleil. Qu'il lui se baigne dans le canal. Et lui, je me souviens que le matin, parce que nous, on allait à l'école dès que la sonnerie retentissait, parce qu'on habite vraiment à deux pas, moi je l'entendais par ma fenêtre, et lui habitait juste en face. Dès que ça sonnait, il courait et puis traversait en courant par-dessus l'écluse, et t'as toujours le gardien qui gueulait dessus. Et donc, en ayant grandi dans ce méga complexe à l'échelle parisienne et au bord de ce canal Saint-Martin, je me rendais pas compte qu'en fait, c'est deux très grosses infrastructures en fait. Quand j'étais gamin, on m'avait expliqué que le canal devait devenir une autoroute. Donc je ne le comprenais pas très bien, comment est-ce qu'on fait ça, on doit retirer l'eau, etc. Et en fait, l'idée, c'était de recouvrir le canal. C'était un projet assez ancien, je crois que ça remonte au début du XXe siècle. Mais après, c'est revenu avec Pompidou qui disait qu'il faut adapter Paris aux voitures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on se disait il faut adapter notre quotidien à la voiture. Et aujourd'hui, en fait, le canal a été piétonnisé entièrement. Moi, je remets pas en question le fait de dire si c'est bien d'être à vélo ou si c'est mal d'être en voiture. Simplement, je pense que quand on parle d'écologie, il faut pas uniquement considérer la question de notre empreinte carbone, il faut aussi considérer la question des corps et la question des inégalités de classe sociale que ça peut provoquer et du coup d'ethno-racialité. Moi, c'est deux espaces d'inégalité sur lesquels je travaille beaucoup dans mon travail à la fois d'architecte et dans mes démarches artistiques. Et là, moi, depuis ces 5-6 ans-là, ces autoroutes à vélo qu'on est en train de créer. Je vois dans la politique d'Anne Hidalgo souvent une politique d'écologie de surface mais qui ne tient pas du tout compte de toutes ces subtilités sociologiques et de la réalité de ceux qui habitent là, quoi. Ce canal a été piétonnisé sans qu'on en soit tenu au courant. Donc, c'est à la sortie du premier confinement. Moi, je suis avec un ami d'enfance assez tard le soir. On est assis juste en face du skatepark. Et là, on voit les agents de la ville et les entreprises arriver et elles commencent à faire les marquages au sol. Et puis du coup, on va les voir, on leur demande qu'est-ce qui se passe et ils nous disent le canal va être piétonnisé. L'embourgeoisement de la capitale, c'est une dynamique longue qui commence avec Haussmann et qui se diffuse très lentement d'ouest en est. Renaud Epstein, sociologue. Au cours du 18e et du 19e siècle, Paris est une ville populaire et révolutionnaire. Le peuple concentré dans Paris a une tendance assez régulière à se soulever, que ce soit en 1789, en 1830, en 1848, en 1870, voilà. La réaction du pouvoir bourgeois dans la seconde moitié du 19e siècle est une réaction à bien des égards de crainte et de volonté de reconquête, pour prendre un terme anachronique, parce que la reconquête de Paris, c'est vraiment les années 60, mais une volonté de reconquête du cœur parisien pour prévenir les risques de voir se reproduire ce qui a été la cause de la grande peur bourgeoise, la révolution de 1848. Et donc, les grands travaux d'Haussmann, qui débutent dans les années 1850, poursuivent à la fois des objectifs économiques de modernisation urbaine, mais des objectifs aussi de reconquête sociale et sinon d'expulser les pauvres vers la périphérie, du moins d'éviter de trop forte concentration d'un peuple insurrectionnel à proximité immédiate du Louvre et des lieux du pouvoir. Les travaux de modernisation urbaine d'Haussmann ont accélérer, amplifier une dynamique progressivement de déplacement périphérique des couches populaires, alors vers notamment les nouveaux arrondissements annexés, les communes périphériques qui ont été annexées par Haussmann, hein, Belleville, Charonne, etc., etc. La gentrification, est-ce qu'on met en général derrière le terme spécifique de gentrification, qui a une forme particulière d'embourgeoisement, il s'amorce vraiment à Paris dans les années 90, sous l'effet d'une série de politiques publiques de requalification des espaces populaires, hein, d'implantation aussi d'équipements culturels dans un certain nombre de quartiers populaires qui ont des effets, qui s'amorce dans les années 90 aussi à la faveur de grandes transformations dans les goûts et les valeurs. Hein. Il y a du changement social, avec notamment une requalification de la valeur urbaine. Cette gentrification, elle se prolonge au début des années 2000 dans les communes de Petite Couronne, alors certaines emblématiques Montreuil, et puis progressivement, au-delà de Montreuil, y compris aujourd'hui les nouveaux fronts, que ce soit Aubervilliers, Pantin, etc. Cette gentrification, elle ne doit jamais nous faire oublier que Paris reste une ville populaire, une ville dans laquelle, certes, il y a de l'embourgeoisement, mais on a encore des bastions qui vont faire que le front de la gentrification résiste. Et ces bastions, ce sont les boulevards Maréchaux, ce sont les grands groupes HLM qui font une couronne autour de la capitale et avec des pénétrantes, avec un certain nombre de quartiers, hein, vers la place des Fêtes, dans le 19e, une bonne partie du 13e arrondissement. Vous prenez les résultats du recensement de 1982, Paris comprend une proportion d'ouvriers qui est à peu près équivalente à celle du département du Val-de-Marne. Et je rappelle ça parce que l'idée qu'on a d'un Paris bourgeois et d'un Paris dans lequel les pauvres ont été repoussés à la périphérie, elle condense en une ou deux phrases un processus historique qui s'est étalé sur deux siècles et qui reste encore un processus qui est, j'allais dire, qui est loin d'être achevé, un processus qui n'aboutit pas à ce que les couches populaires aient disparu de Paris. On est dans une capitale où les prix du logement sont inabordables, mais dans laquelle on a plus de 20% de logements sociaux. De toutes les global cities, Paris est une de celles qui maintient dans son centre une présence quand même très forte de populations défavorisées. Paris, c'est à certains égards même, de ce point de vue-là, une caricature de la global cities complètement dualisée avec une élite globale richissime et une présence d'un petit peuple de service pour cette élite qui arrive encore à se maintenir le long du périphérique, donc dans la périphérie de Paris, mais à l'intérieur de Paris, la question étant la place de tous les autres hein, entre les deux. Toujours, on dit la France est le pays le plus anciennement centralisé d'Europe, ce qui est vrai. Mais en province, c'est facile de dire « oh là là, c'est la faute à Paris », mais les premiers à subir cette pesanteur du pouvoir central, c'est les Parisiens, ou la ville de Paris, disons. Et il y a toujours eu l'opposition entre les symboles et les incarnations lourdes, d'ailleurs, du pouvoir central, avec tout ce que ça peut représenter. Et puis, en fait, le fait que le peuple de Paris a toujours été le premier à s'insurger. Jean-Christophe Bailly, écrivain. Donc, il y a toujours eu la contradiction entre le fait d'incarner le pouvoir central avec une espèce d'arrogance et de superbe dont on voit d'ailleurs la continuité quotidiennement. Et puis, une chose dont on perçoit peut-être moins la quotidienneté, mais qui existe pareillement, qui est une espèce de réinvention populaire, qui évidemment se limite de plus en plus territorialement, en gros, pas uniquement, mais quand même, en gros, c'est le nord-est de la capitale. C'est pas seulement l'embourgeoisement, c'est vraiment des conquêtes qui sont d'une extrême brutalité. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de ce qui se passe au centre pile de Paris, c'est-à-dire au Pont-Neuf, en fait, avec ce magasin qui était Parigo, quoi, qui était pour tous les Parisiens, les petits Parisiens, Parisiennes, la Samaritaine avec les drapeaux, ces drapeaux aberrants, Samar, ces grandes banderoles qui claquaient au vent comme ça, et puis on allait là acheter un peigne, une brosse à dents, un jambonneau, un manteau, une chaussette, n'importe où, on trouvait tout et c'était le slogan. Donc c'était en même temps lié à une forme de capitalisme du 19e siècle, bien établi, etc. Mais c'était un lieu populaire, un lieu fréquenté. Qui était devant la Samar? C'était les gens. Eh bien, ce magasin a, je sais pas, il y a une espèce de faillite un petit peu aidée, je pense. Et puis, de fil en aiguille, ça atterrit dans les mains du groupe LVMH. Au lieu d'un endroit où on trouve tout, ils ont fait un magasin où on trouve uniquement les produits de luxe qu'il y a dans tous les aéroports du monde, qui est fréquenté par la même clientèle. Et en façade, sur la Seine, la magnifique architecture, d'ailleurs, Ils l'ont transformé en un hôtel 4, 5 étoiles, où ai-je appris la nuitée, la moins chère, et c'est plus de 1100 euros. Voilà. C'est pour ça qu'embourgeoisement n'est peut-être pas l'expression la plus juste, c'est vraiment une mainmise du grand capital financier sur la ville. Et bon, quand on est à la Samaritaine, ex-Samaritaine, on va à l'ex-bourse du commerce, on est chez un autre milliardaire, et ainsi de suite, quoi. Et quand on parle de la Bourse du Commerce, c'est la même chose, puisque c'est le même propriétaire, M. Pinault, qui est aussi propriétaire maintenant de tout l'ancien hôpital Laennec, c'est ça, rue de Sèvres. Un endroit magnifique, un des plus beaux bâtiments Louis XIII de Paris, mais on a juste le droit de l'admirer à distance maintenant, on ne peut pas aller. Et c'est systématique, donc on a la sensation d'être viré, exproprié, occupé. C'est un idéal qui n'est pas exhibé, avoué ou qui est dit comme tel, mais on a l'impression que le rêve, c'est que Paris soit fréquenté uniquement par des touristes et habité par la classe dominante, mais plutôt du côté des décideurs, avec les grands décideurs, et puis toute cette armée de petits décideurs moyens, tous ces gars en petits costards bleus, là, qu'on voit le matin angoissés d'être eux-mêmes dans le métro, quand ils prennent encore le métro. Moi, je suis très fier d'être parisien et je l'assume, quoi. C'est un truc. Je suis presque chauvin là-dessus, mais je me demande si c'est pas un truc de quartier populaire, ça, de vraiment défendre avec ferveur. Parce que l'image du Parisien est très critiquée dans l'imaginaire collectif. Mais moi, voilà, moi, c'est une identité que j'assume pleinement et je suis fier de me revendiquer comme Parisien pour le coup. Fedaouar Dak. Donc là, on est à l'entrée du passage del Cerf. Donc il y a un premier immeuble qui fait l'angle et qui fait face au canal, du coup. Et en fait, moi, j'ai un de mes amis d'enfance. Ses parents étaient gardiens de cet immeuble-là. Donc, et accolé à cet immeuble, il y a un autre immeuble qui est plus contemporain avec des énormes niches en bois ou des alcôves comme ça. Et en fait, avant ce complexe-là, ici, il y avait uniquement un gymnase bulle. Et donc, les parents de Karim, mon pote, avaient les clés du gymnase parce que c'est eux qui géraient aussi ça. Dans notre bande, on disait même que c'est le stade à Karim, quoi. Et du coup, on a joué là, mais énormément. Et il y a une dizaine d'années, je pense que le lieu a été condamné. Et après, on est allé jouer beaucoup plus bas, dans le quartier qu'on appelle Terrage ou le Square Villemain. La première fois que j'ai vu le canal, c'était au milieu de la nuit, dans les années 90. Je me souviens d'une écluse dans la brume. Ça filait un cafard à la Simenon. C'est quasiment impossible aujourd'hui de se figurer cette atmosphère quand on marche à ciel ouvert sur les quais, entouré de trottinettes, d'enfants blonds et de pères prévenants. Devant nous, face au canal qui brille et qui file vers la Villette, avant de bifurquer vers Aubervilliers ou Bobigny, il y a un grand groupe de logements des années 80. Et sous une arche, un petit équipement sportif entouré de grilles. On restera ici car on ne peut pas s'approcher plus de ce qui a été le dernier terrain de foot de Fedaouar Dak dans le quartier. Parce qu'Anne Hidalgo, je crois qu'elle est élue en 2014. Et je crois que le canal, si je ne dis pas de bêtises, en 2016... il est entièrement nettoyé. Ça avait déjà été le cas, moi, quand j'étais enfant. Et donc, quand il a été vidé, c'était génial parce qu'on voyait tous les trucs, des voitures, des scooters et tout. Puis la deuxième fois, le nettoyage du canal, qui est plutôt un nettoyage d'ordre presque technique, bah moi, j'ai réussi à le mettre en perspective aussi avec une forme de politique hygiéniste dans le quartier. Gamin, pour moi, c'est un micro-objet. Et plus je grandis, plus ça devient un objet monde, en fait. À partir de 2001, du coup, il y a les dynamiques impérialistes font que l'Afghanistan est envahi. Et 2-3 ans plus tard, on voit les conséquences dans ce quartier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Afghans qui arrivent dans ce quartier, en situation d'exil, qui essayent d'aller en Angleterre. Donc ils arrivent de l'Est et ils vont vers le Nord. Donc ici, on est tout près de la gare de l'Est et de la gare du Nord. Ce qui fait qu'entre les deux gares, c'est une zone où en fait, il y a énormément d'habitats informels qui se créent. Toutes les tentes, les sacs de couchage sont cachés dans les arbres. Donc la nuit, ils montent, ils récupèrent et puis ils dorment à même le sol. Et en fait, quand le canal a été nettoyé, dans le même temps, toutes les arches de cette architecture, finalement, sous lesquelles les Afghans dormaient, ont été condamnées. Donc en fait, petit à petit, ils ont disparu, ils sont allés un peu plus loin. Enfin, on repousse toujours plus loin, en fait. À l'époque, les mêmes grilles avaient été montées autour du terrain de foot, sous les arches, pour qu'en fait, il n'y ait que les résidents de l'immeuble qui puissent aller au terrain de foot. Donc ça a été meulé une première fois, puis les grillages ont été cassés, etc. Donc on a toujours continué à jouer. Et puis il y a un moment donné, en fait, ils ont rajouté couche sur couche. Et aujourd'hui, c'est soit des scolaires qui viennent jouer là, sinon c'est la pratique du tennis le week-end. Donc c'est aussi révélateur de la manière dont certaines pratiques sportives qui sont très populaires s'effacent aussi en même temps que l'aménagement de ce territoire change et évolue, et ça laisse place à des pratiques sportives qui sont plus bourgeoises. Moi, ça me permet juste d'expliquer que mon rapport aussi au périph a commencé à exister grâce au foot, parce que de ma pratique ici, après je jouais que les week-ends aux Portes de Paris, donc je ne jouais plus en club et j'ai fait tous les terrains des Portes de Paris. Donc c'est là que l'objet périph pour moi commence à exister. Bon, moi normalement je fraude. Ah non, c'est bon, c'est pas fermé. Donc on n'est pas obligé de frauder, pardon. Normalement je passe par là quand c'est fermé. Comme la vie n'a pas tout à fait atteint mon corps encore, je peux passer entre les barreaux. Soraya Matignon-Kerchaoui. Olympique de Pantin, 1908. C'est pas magnifique, franchement. Mais oui, c'est un très vieux club. Donc, ils jouent tous les dimanches. Voilà, et moi, après ma corde à sauter, que je fais pendant 10-15 minutes, je les regarde jouer. Est-ce que je peux vous emmener juste en un escalier au-dessus? Et là, tu vois, c'est des constructions assez récentes, en bois, qui ont un peu pété l'esthétique, je trouve. Mais comme c'est en bois, je trouve ça assez joli. Et on peut leur dire coucou, car je pense que ce sont des gens du 10e arrondissement ou du 11e. Voilà. Et c'est super, parce que moi, j'adorerais vivre dans un truc comme ça. C'est beau. Il y a Hermès qui arrive en 92, je crois, qui est le premier à investir Pantin pour sa manufacture. Et puis Hermès, en fait, a bien compris le truc et il achète des îlots. Et il achète carrément quasi deux rues, quoi, la rue Auger et la rue Hoche. C'est hyper attractif pour les industriels parce qu'ensuite, t'as Hermès, t'as Chanel, t'as les agences de pub, t'as beaucoup d'ateliers côté avenue Jean Jaurès entre Bobigny, quasi limitrophe Bobigny-Pantin, quoi. Et oui, les industries se régalent. Et ça change effectivement le paysage de Pantin, en tout cas le territoire. Pantin, c'était un peu au secours, quoi. Je voyais dans le visage des gens que c'était vraiment une ville dont il fallait pas prononcer le nom. Mais ça va, c'était les premières questions. Et tu t'en sors. Et moi, je tombais de ma tour, du coup, parce que je me disais, mais comment Pantin est vu? Et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touchée, et je pense que, parce que j'ai aussi un esprit de contradiction, je bouge pas de Pantin. Et aujourd'hui, Pantin, c'est la ville hype. La gentrification. J'ai vraiment vu la différence avec l'arrivée de l'agence BETC, qui a investi les magasins généraux. Heureusement qu'ils ont gardé dans son jus, parce que moi, c'était un des bâtiments qui me fascinait petite, avec les grands moulins de Pantin. Pantin s'est transformé à ce moment-là. Et moi, j'ai vu ça avec beaucoup de colère, je pense, en moi. Parce que d'un coup, toutes les personnes qui nous mettaient un peu à distance, là, investissaient le territoire en disant « c'est pas si mal », et puis en chassant ceux qui pouvaient plus se payer, ils n'avaient plus les moyens de... Vraiment, c'est une histoire qui se répète dans les villes dites pauvres, en tout cas. Le canal, je l'ai longé beaucoup à vélo, une fois que j'ai eu 11 ans. Puis après, je suis tombée dans le canal à vélo. Et ça, c'est mon rapport au canal, donc un peu traumatisant et en même temps très attaché aussi. Mais pareil, avec à l'époque, le canal des années 90, c'était plein de faits divers pas beaux, tu vois. Des corps qui remontent, des chiens qui remontent. Je suis fascinée quand les gens nagent dedans. Je me dis, on a vraiment changé d'époque. Ça, pour le coup, c'est cool parce que moi, petite, je rêvais de pouvoir nager dans le canal, de faire des distances incroyables. Mais oui, le canal, dangereux. Et moi, j'ai des amis qui ont perdu un membre de leur famille. C'était toujours associé aussi à des histoires dramatiques. Alors qu'aujourd'hui, le canal, c'est vraiment très heureux. Des belles photos, des belles vues. Et moi, j'ai des autres souvenirs par rapport à ça. J'ai appris en lisant un polar de Simenon, l'écluse numéro 6, que l'A4 avait été construite sur un canal qui faisait face au confluent. Dans le polar, il y avait des morts et dans ma vie aussi, il y en a eu. Et peut-être que l'âge, c'est une autoroute à 10 voies qui recouvre les longs chemins de halage. J'ai appris que le monde se transforme plus vite que nos souvenirs. Mais pas Chinagora. Toujours aussi vide avec ses lions impassibles, toujours aussi ailleurs face au fleuve. Et de là, comme une enfant, tu peux toujours contempler le confluent, roulant vers le grand large, et sur lequel glissent les merveilleux nuages. Et le périphérique fait exister la banlieue, en fait. La banlieue, dans l'imaginaire collectif, même dans la pop culture, c'est un endroit dangereux. Je sais pas, comme disait Booba, la banlieue, c'est dangereux, c'est pas marqué dans la Bible. Tu vois, c'est un truc, d'un coup, c'est une image assez forte. Alors qu'en fait, je sais pas, 90% du tissu urbain en banlieue, c'est du tissu qu'on pourrait qualifier d'anecdotique. Il y a des endroits qui ont été oubliés par les politiques publiques, qui ont exacerbé des mouvements politiques, de revendications, du militantisme, de l'activisme, des révoltes urbaines et sociales en 2005. Et du coup, ces phénomènes-là ont à un moment donné fait peur à des centres qui ne les connaissent pas, en fait. Et c'est ça qui a créé ce concept de la banlieue. Et le périphérique fait exister la banlieue, en fait. Le périph', à un moment donné, incarne un extérieur. T'as des gens qui arrivent très bien à considérer que malgré le fait qu'ils grandissent selon la considération du pouvoir et la considération de l'imaginaire collectif que le centre, c'est Paris, bah eux, ils grandissent, j'en sais rien, on va dire à Goussainville ou à Sarcelles ou à Meaux, bah ils vont considérer qu'ils sont au centre. Mais ça, c'est assez rare, comme c'est souvent des gens qui ont fait un travail de déconstruction assez fort. C'est aussi un espace qui est tellement fantasmé, mais de mille façons. Hein. On fantasme la Seine-Saint-Denis, on fantasme les quartiers nord d'ici ou de là, etc. Donc il y a toute une espèce de récit médiatico-politique qui s'attache à ça. Et en fait, moi, c'est pour ça que je pense que j'ai mis longtemps à me revendiquer d'ici, mais que maintenant, pour moi, c'est important de me revendiquer. C'est qu'entre-temps, moi, j'ai... Enfin, oui, j'ai grandi dans un grand ensemble. Oui, j'ai pris le RER et j'ai traîné à Châtelet-Léal et j'avais des boulettes de shit dans mes chaussettes. Et comme j'étais la fille blanche, c'est moi qui portais le shit parce que je risquais quand même moins de me faire embêter par la police que d'autres. Mais en même temps, derrière, je suis agrégée de lettres modernes, j'ai été pensionnaire à la Villa Médicis, et à un moment, en étant, et une fois agrégée de lettres modernes, et une fois pensionnaire à la Villa Médicis, là, j'ai commencé à dire, mais en fait, c'est ça. C'est là d'où je viens, quoi. C'est peut-être tout simplement pour casser aussi cette espèce de stéréotype du banlieusard, quoi. Et puis, je me dis aussi, encore une fois, que c'est peut-être pas mal, en fait, de le revendiquer et d'arrêter de faire, parce que ce qui m'énerve beaucoup dans les projets du Grand Paris, et donc qui sont quand même beaucoup, quand on regarde des bétonneuses, des grues et des espaces vides qui disparaissent au profit d'espaces privés, ce qui m'énerve, c'est que c'est toujours pensé comme si avant il n'y avait rien. La banlieue, avant il n'y avait rien, on peut y faire ce qu'on veut. Oh, bah tiens, bah ça on va tout casser, bah là on va faire un plan, là on va refaire, là on va faire un gros trou, on va mettre un métro. C'est toujours vu d'en haut de la carte et on n'est pas sorti de ce truc de la France colbertiste qui aménage depuis ses bureaux de centre-ville des espaces entiers de territoire. Et donc à un moment, dire que ça existe et dire moi j'en suis, bah peut-être que c'est ma façon de revendiquer que en fait cet espace effectivement n'est pas vierge. Cet espace est habité, il est aussi investi par des histoires, des récits, des imaginaires, des mythologies, des... C'est pas juste une terre qu'on peut zoner une énième fois et puis tout redécouper parce que tout d'un coup, Monsieur Sarkozy ou Monsieur je sais pas qui pensait que c'était ça qu'il fallait faire, quoi. Moi, j'ai choisi, journaliste politique, et puis en plus, j'ai choisi de travailler aussi sur les questions européennes. Donc, c'est un méta-espace de pouvoir. C'est l'espace de la diplomatie, c'est l'espace de la macro. Et c'est ça qui est rigolo, et c'est pour ça qu'à 42 ans, je reste banlieusarde et je n'ai jamais passé le périphérique. Je n'ai jamais vécu dans Paris. C'est qu'en fait, c'est hyper important pour moi de rester dans cette distance. Parce que c'est le meilleur moyen de rester observatrice. Parce que je suis intrinsèquement convaincue que, d'une certaine manière, si je passe le périph', en fait, c'est que je me perds. C'est qu'il y a une partie de mon identité que je perds. Et donc, il y a une partie de moi qui est profondément liée à cette histoire, à ces gens qui font la banlieue, qui sont ces petites gens qu'on a vus sur les ronds-points, qu'on a profondément méprisés aussi. Banlieusard au sens large, hein. Il n'y a pas que les cités hein, dans la banlieue. J'ai vraiment le sentiment en fait que de rester ancrée dans cet espace-là me permet en fait d'avoir un regard distancié au pouvoir, parce que le pouvoir il brûle et je traîne assez avec des journalistes politiques pour le savoir. Voilà, tu dois pouvoir rester qu'un observateur de ce pouvoir et être en capacité d'avoir assez de recul pour le disséquer, pour analyser, pour voir les rapports de force et puis pour voir à quel point aujourd'hui ce pouvoir est hors sol. Et à quel point ils maltraitent ceux qui sont en dehors de ces espaces de centralité. Voilà. Parce que cette question du centre et de la périphérie, elle est finalement, tu peux la dupliquer partout. sur la dimension économique, sur la dimension évidemment politique, sur la dimension, et moi c'est ce sur quoi je travaille, de la prise de parole, qui a le droit de prendre la parole ou pas. Et c'est pour ça que moi je veux surtout pas quitter mes périphéries. Et c'est pour ça que j'ai aussi découvert d'autres périphéries. Moi j'ai une passion pour la diagonale du vide, parce que ce sont des espaces politiques. Et c'est juste qu'en fait on leur dénie le droit d'être ces espaces politiques. Maintenant ce qui va se jouer c'est qu'en est-il du partage du pouvoir ? Et si ça se fait pas naturellement, ça va se faire de manière un peu plus radicale. Et moi, ce que je vois, c'est presque une contre-société qui est en train de se nouer. C'est-à-dire que t'as Paris, l'espace de pouvoir, le centre du pouvoir et tous les autres. À partir du moment où les périphéries commencent à se liguer, à s'entendre, c'est un raz-de-marée, c'est un tsunami. Donc, quand les périphéries au sens large, économique, social, médiatique, les périphéries de la parole, elles se réveillent. C'est hyper dangereux. Il faut avoir en tête qu'on est quand même dans un climat pré-insurrectionnel. Enfin, moi, je le sens, ça, cette espèce d'électricité dans l'air. Et c'est un truc de banlieusarde, ça, peut-être. Ça, c'est un vrai truc de nana de cité. Ça, c'est un truc de meuf et de mec de cité. Ce truc où tu sens qu'il y a l'électricité dans l'air et que tu te dis, là, faut partir. Là, faut partir maintenant. Wake up, get a hold of your life, go get your cake up. The motto in the streets is you eat or you get ate up, straight up. You're tired of waiting, go get your weight up. My people's tired of waiting for reparations to pay up. Screaming Jesus. Quoi de neuf à la frontière, avec Nora Hamadi, Soraya Matignon-Kerchaoui, Fanny Taillandier, Jean-Christophe Bailly, Renaud Epstein et Feda Wardak. Merci à François Chalin et Luc-Martin Gousset. Texte, et puis, il y a Chinagora, de et par Fanny Taillandier, Archivina, Denis Forget, documentation musicale Antoine Villoz, prise de son Eric Audra, Virginie Lorda, Marc Garvenès, Johanna Grabic, Andréa Jaffray, Jean-Guilain Meige, mixage Jason Taous, stagiaire Malo Toquet, attaché d'émission Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales, coordination Perrine Kervran. C'était Le Périph' après tout, une série documentaire de Camille Jusa réalisée par Benjamin Hu. The Bush administration, unequality, martial law, segregation, falsehood, false teaching, false education. Now's the time for us to come amongst this nation. They deceiving us, they don't believe in us. They believe in that cream like Julius Caesar. I'm like Marcus Garvey, Malcolm X with the heaters. Ripping the chains off the remains of all of the leaders. Never worship an image of evil swine eaters. I'm on the back of the bus with two fine divas. We in the jungle of life, but never jungle fever. I'm God body all day long, spiritual life lessons that I recite in a song. Trying to wake up everybody, can we all get along? For my people that's out there persevering through the storm. Black fist, Staten Island, stand up, stand strong. Penetrate through the gate and bring the clan along. World is getting more iller than ever. Thought we was chilling, striving change for the better, but it was a dream like Martin Luther. He had a vision that could move mountains, protect one another. That's worth it, my brother Malcolm. As-salamu alaykum wa alaykum as-salam. We want justice, police supposed to protect and serve, and then they shoot us down like wild animals. The nerve of them cold-hearted killers with blue suits slaying our black youth. The earth cries from all the blood that's being spilled. We need a solution fast, Yishalah Bill. Let me educate them, translate it, meaning God's will. It goes all in together, together how we are, to stand with a plan, divided we down to fall. And that's the Willie Lynch tactics that separated the masses, taught us all to think backwards. The world won't get no better.